بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue, chers frères, barakallahu fikum, la lecture de ce livre très bénéfique, ou de ce chapitre très bénéfique, Kitab al-Irtisam, le chapitre de la fermeté sur la sunna, qui est tiré du sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah. On avait commencé donc à aborder le sous-chapitre lié au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au fait que ceci est obligatoire. Il est obligatoire de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari, il cite ici le 13e hadith avec la chaîne de transmission qui va jusqu'à Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma, qui dit: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. Des anges sont venus au prophète صلى الله عليه وسلم alors qu'il dormait. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. Alors certains anges ont dit certes il dort, et d'autres ont dit certes l'œil dort mais le cœur est réveillé. Yaqvan. Fakalu inna li sahibikum hada mathalan fadribu lahu mathalan. Alors ils dirent certes il y a une parabole pour votre compagnon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors citez sa parabole. Fakala ba'duhum innahu na'im, certains ont dit non mais il dort. Wa qala ba'duhum innal 'ayna na'ima wal qalbu yaqvan. Alors d'autres ont dit certes l'œil dort mais le cœur est réveillé. Fakol masaluhu kamathali rajulin bana daran wa ja'ala fiha ma'dubatan wa ba'atha da'iyan faman ajaba ad-da'i dakhala ad-dar wa akala min al-ma'duba wa man lam yujib ad-da'i lam yadkhul ad-dar wa lam ya'kul min al-ma'duba. Alors il dit son exemple est celui d'un homme qui a construit une maison, puis qui y a placé un repas de fête, Et ensuite, il a envoyé un appeleur, une personne pour appeler les gens et les inviter. Alors, celui qui répond à l'appel de celui-ci rentrera dans la maison et mangera du repas de fête. Mais celui qui refuse de répondre à l'appel de celui-ci ne rentrera pas dans la maison et ne mangera pas le repas de fête. Fekalu awiluha lahu yafqah. Alors il dit, interprétez-lui, donnez-lui l'interprétation de cela, afin qu'il comprenne. Fekal ba'duhum innahu na'im, wa qala ba'duhum innal 'ayna na'ima wal qalba yaqdam. Alors certains ont dit il dort, et d'autres ont dit certes l'œil dort mais le cœur est réveillé. Fekalu ad-dar al-jannah والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن اطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد اطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس. Alors ils ont dit la demeure qui a été construite c'est le paradis, et celui qui appelle à celle-ci, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui qui obéit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a certes obéi à Allah, et celui qui désobéit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aura certes désobéi à Allah. Et Muhammad est un moyen de distinction entre les gens. Farkun bayna an-nas. Et dans une autre narration, dans une autre version de ce hadith, ça a été cité, Farraqa bayna an-nas. Mohammed a mis la séparation entre les gens. Tayyib, ayyuha al-ikhwa, chers frères, on voit clairement dans ce hadith le caractère obligatoire qu'on prophète de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de répondre à son appel et de lui obéir. Il y a aussi dans ce hadith le fait que obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à obéir à Allah, car c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a envoyé. Et c'est pour cela qu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre: wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Et celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah. Et donc, oh cher frère, il est obligatoire d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a en cela, oh cher frère, une réplique, une ambiguïté répandue chez beaucoup de personnes dans la communauté musulmane, que dès qu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pense à sunnah. Et dès qu'on pense à sunnah, on pense à pas obligatoire. Certes, ceci est une erreur. Le terme sunnah dans les hadiths ne veut pas dire pas obligatoire. Ça, c'est un terme qui a été utilisé par les savants de la jurisprudence pour nous dire ceci est sunnah, c'est-à-dire que ceci est recommandé. Il n'a pas atteint le degré de l'obligation. Mais quand on regarde le terme sunnah dans les hadiths et dans les paroles des salafs, on voit que ce qui est voulu par là, c'est l'obligation. Exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Fa'alaykum bi sunnati » Alors accrochez-vous à ma sunna. Accrochez-vous fermement à celle-ci. Ceci est une obligation. Ceci est une obligation, le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons arrêter de penser qu'à chaque fois qu'on parle du prophète, c'est sunna. Le Coran c'est obligatoire, la sunna c'est recommandé. Non, ceci est faux. Ceci est faux. Et ensuite, il y a dans ce hadith, ô chers frères, barakallahu fikoum, que celui qui veut rentrer au paradis doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux le paradis, tu dois suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est une obligation. Il y a aussi dans ce hadith, ô chers frères, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis la distinction entre les gens. Il a séparé les gens, entre les gens, c'est-à-dire qu'il a séparé, il a mis la séparation entre le vrai et le faux. Il a mis la séparation entre ceux qui veulent suivre la vérité et ceux qui veulent suivre le faux, afin que les choses soient claires. Car beaucoup de personnes disent, oui, nous voulons suivre la vérité. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, et que certains prétendaient suivre la vérité, et que certains prétendaient que lorsque le prochain prophète allait arriver, nous allons être avec lui. Lorsqu'il est arrivé, ils n'ont pas suivi. Alors là, la vérité est apparue. C'est-à-dire qu'ici, on a vu clairement ceux qui ont suivi la vérité, ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ne l'ont pas suivi. Et tout... les prédicateurs, tous les enseignants, tous les savants doivent avoir le même rôle. Doivent avoir le même rôle. Le fait d'être un moyen de distinction entre le vrai et le faux. Ils doivent aider les gens à connaître le vrai et le faux. Nous ne pouvons pas rester dans le silence et laisser les gens dans une situation trouble sans qu'ils connaissent la vérité. Le prédicateur a obligation de montrer aux gens la vérité, de leur dire la vérité. Ceci est un engagement pris venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a pris cet engagement des gens de science. Le fait qu'ils vont montrer ce qu'il y a dans le livre. Et vous n'allez pas le cacher. Ils doivent donc montrer la vérité aux gens, même si les gens n'acceptent pas. Certains vont accepter, certains ne vont pas accepter. Mais ça, ce n'est pas le travail du prédicateur. Des gens acceptent, des gens n'acceptent pas. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon rôle, c'est de transmettre. Je ne serai pas interrogé, Yawm al-Qiyama, Abdelkarim, est-ce que tu as fait plaisir à un tel? Est-ce que tu n'as pas fait plaisir à un tel? Ce n'est pas ça. Mais par contre, Yawm al-Qiyama, je serai interrogé, est-ce que j'ai transmis ce que je savais? Est-ce que j'ai transmis ce que je savais? Et c'est ça que font les savants. Voilà pourquoi Al-Bukhari, rahimahullah, il a écrit son livre As-Sahih. Il a écrit son livre As-Sahih lorsqu'il a vu que des gens lisaient trop de hadiths où il y avait donc des faiblesses, des hadiths faibles, où il y avait des récitateurs de hadiths, des narrateurs de hadiths qui avaient donc des manquements. Alors il a écrit son livre As-Sahih. Et dans son livre As-Sahih, il y a plusieurs chapitres qui sont liés au problème de la communauté musulmane. Et c'est ainsi que doit faire le prédicateur. Et c'est ainsi qu'on fait les imams. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a écrit beaucoup de livres pour répondre à des problèmes qui touchaient la communauté musulmane. On a commencé la dernière fois le livre, donc, concernant les noms et attributs de l'imam Ibn Uthaymin, rahimahullah. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait que ce qui l'a poussé à écrire ce livre, c'est lorsqu'il a vu l'importance du sujet et le fait que des gens ont abordé ce sujet, donc à tort ou à travers. Lorsqu'il a vu cela, à ce moment-là, il a dit, et donc j'ai voulu écrire des règles sur ce sujet. Et donc le savant, lorsqu'il voit que des gens, lorsqu'il voit que la communauté musulmane ont un besoin, ils sont dans une ignorance par rapport à un sujet, il leur enseigne. Ensuite, certains acceptent, d'autres n'acceptent pas. Et c'est là qu'il y aura el farq bayna an-nas, ceux qui acceptent la vérité et ceux qui n'acceptent pas. Sauf qu'aujourd'hui, ce que beaucoup de gens font, ils disent, il a divisé, tel prédicateur a divisé, tel prédicateur a mis la division. Non, il n'a pas mis la division, il a dit aux gens, qu'al Allah wa qu'al Rasulullah. Ensuite, il y a eu ceux qui ont accepté et ceux qui n'ont pas accepté. Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans son livre ? كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Les gens ne formaient qu'une seule communauté. Ils ne formaient qu'une seule communauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont divisés. C'est, au début, ils ne formaient qu'une seule communauté. Ensuite, il y a eu des déviances. Alors, à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé ses prophètes et il a fait descendre sur eux les livres afin qu'ils jugent d'entre eux concernant le sujet sur lequel ils ont divisé. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le livre, est-ce que tous ont accepté? Non, certains n'ont pas accepté. Certains n'ont pas accepté, mais au contraire, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre « وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا » Et beaucoup d'entre eux, ce qui a été descendu sur toi venant de ton Seigneur, va les faire augmenter en transgression et en mécréance. Ce qui a été descendu sur toi, est-ce que ça veut dire que c'est le Coran qui est faux? Non. Ce qui est voulu par là, c'est que c'est les gens qui n'ont pas accepté la vérité. Et donc, on ne peut pas laisser les gens tous unis sur le faux, comme cela, « Allez, c'est pas grave, ma'alish ». Non, il faut expliquer aux gens la vérité, ceci est une obligation. Il dit, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, « Fata'atu al-Rasuli sallallahu alayhi wa sallam alayha madaru sa'adati wujudan wa adaman, wa hiya al-fariqatu bayna ahli al-jannati wa al-nar. » ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس والله قد دل الخلق على طاعته لما بينه لهم وأهل السنة جازمون بالنجاة لمن كان من أهل السنة. Et dit Ibn Taymiyyah رحمه الله, l'obéissance au messager صلى الله عليه وسلم, c'est sur celle-ci que se base le bonheur, c'est sur celle-ci que se base le bonheur, qu'il soit présent ou absent. Donc, l'absence ou la présence du bonheur est liée à l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam est celle qui permet de distinguer entre les gens du paradis et les gens du feu. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis la séparation entre les gens. Et Allah tabaraka wa ta'ala a montré à ses créatures le fait qu'ils doivent lui obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de ce que Allah lui a enseigné, lui a montré. Et les gens de la sunna affirment la réussite pour tous ceux qui font partie des gens de la sunna. Et donc il y a clairement dans ce hadith, barakallahu fikum, le fait qu'il est obligatoire d'œuvrer avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il est obligatoire d'œuvrer avec le Coran. Rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa man yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas selon la raison, tout ce qu'il dit est une révélation qui lui est faite. Et les savants nous citent aussi que parmi les moyens qui nous permettent de nous préserver de tous les troubles, il y a aussi le fait de revenir vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de revenir vers le livre d'Allah ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on peut le comprendre dans ce hadith. Le hadith d'après, Al-Bukhari nous cite la chaîne de transmission qui monte jusqu'à Hudayfa. Hudayfa qui dit, « Ya ma'ashar al-qurra, istaqimu, faqad sabaktum sabqan ba'ida, fa'in akhaztum yaminan wa shimalan, laqad dalaltum dalalan ba'ida. » Hudhayfa radiyallahu anhu, le compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'adresse donc aux gens qui sont venus dans les premières générations. Et il leur dit, ô chers récitateurs, ô chers récitateurs, suivez la droiture. Car certes, vous avez précédé, si vous faites cela, alors vous aurez précédé les autres clairement. C'est-à-dire, si vous suivez la droiture, si vous suivez le Coran et la Sunna, vous allez précéder tous ceux qui viennent après vous. Parce que tous ceux qui viennent après vous, ils vont vous suivre, ils vont devoir vous suivre si vous suivez la droiture. Mais par contre, si vous prenez à droite ou à gauche, alors là, vous allez vous égarer d'un égarement évident. Et donc, il y a en cela, barakallahu fikoum, le rappel quant à la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Wa anna hadha sirati mustaqima » فَاتَّبِعُهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Certes, ceci est ma voix dans toute sa rectitude. Alors suivez-la et ne suivez pas les voies, sans quoi celles-ci, elles vont vous diviser. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Les savants du tafsir, ils nous disent, elles vont vous diviser et vous éloigner de sa voix, de ma voix, de la voix d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, il y a dans ce hadith, barakallahu fikoum, l'importance de suivre la droiture et de rester ferme sur la vérité, ferme sur le Coran et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a dans ce hadith, les mérites des prédécesseurs. Ici, Hudhayfa, il s'adresse aux premières générations de l'islam. Et il leur montre clairement que si ceux-ci suivent la droiture, alors ils auront précédé les autres. Car les autres seront obligés de le suivre. Et ceci est conforme à la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا. Les prédécesseurs, les premiers parmi les muhajiroun et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, dans lesquels ils demeureront éternellement. Et donc, il y a dans ce verset, et dans cette parole de Hudhayfa, le fait que la réussite passe par le fait de suivre les prédécesseurs, les premières générations de l'islam. Ibn Kathir, il dit, rahimahullah, dans l'exégèse de ce verset, il dit, « Yukhbiru ta'ala » عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. Il dit nous kathir rahimahullah, Allah tabaraka wa ta'ala informe de sa satisfaction quant aux prédécesseurs parmi les muhajirin et les ansar, ainsi que tous ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons, et du fait que eux sont satisfaits de lui et de ceux qu'il a préparé pour eux comme jardin et délices, et les délices éternels. Le hadith d'après, il nous cite l'imam al-Bukhari, la chaîne de transmission qui monte jusqu'à Abi Moussa radiallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Innama mathali wa mathalu man ba'athani Allahu bihi wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi ka mathali rajulin ata qawman faqal ya qawm إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم ونجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. Subhanallah, hadith très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, certes, mon exemple est l'exemple de celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala a, certes, mon exemple est l'exemple de ceux avec quoi Allah m'a envoyé, est semblable à un homme qui vient voir son peuple et qui leur dit, ô mon peuple, j'ai vu l'armée de mes propres yeux, et certes, je suis l'avertisseur dénudé. L'avertisseur dénudé, c'est quoi? Il y a un proverbe, ceci est un proverbe utilisé chez les Arabes. C'est lié à une histoire. Il est dit que ceci est lié à une histoire dont un homme qui s'est marié avec une femme d'une autre tribu et qu'il y a eu un conflit et que, donc, à cause de ce conflit, cette tribu, elle voulait aller s'attaquer à sa propre tribu, à lui. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont attaché et ils l'ont dénudé afin que celui-ci ne puisse pas aller prévenir sa tribu. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à se défaire, à s'échapper, et il est parti prévenir sa tribu nu. Il est parti prévenir sa tribu nu, tellement c'est quelque chose d'urgent, c'est pas grave si je suis habillé ou je suis nu, l'important c'est que je prévienne ma tribu. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, c'est donc mon exemple. Et l'exemple de ce avec quoi Allah m'a envoyé est comme l'exemple de celui qui va voir son peuple et qui leur dit, j'ai vu l'armée de mes propres yeux et certes je suis l'avertisseur dénudé, alors sauvez-vous. Et donc il y a un groupe de son peuple qui l'ont obéi, fait aide les jours et qui sont partis donc durant la nuit et qui sont partis tôt durant la nuit. Et ils sont partis tranquillement à la mahlihim sans précipitation et ils furent sauvés. Et un autre groupe ont mécru, or ils ont mécru, ils n'ont pas cru cet avertisseur, et ils sont restés là où ils étaient, et à l'aube, l'armée les a attaqués, et les a tous fait périr. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ceci est l'exemple de ceux qui m'ont obéi, et qui ont suivi ce avec quoi je suis venu, ainsi que l'exemple de ceux qui m'ont désobéi, et qui ont traité de mensonges, ce avec quoi je suis venu parmi la vérité. Et donc il y a dans ce hadith, encore une fois, barakallahu fikoum, au cher frère, le fait qu'il est obligatoire de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui obéir. Et nous on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, pour ne pas faire trop long, parce que le hadith qui vient après reste un peu long. Il nous reste donc, avant de finir ce sous-chapitre, 2, 3, 4 hadiths, inshallah ta'ala. Bi'idnillah, la semaine prochaine on va voir les 4 hadiths. Bi'idnillah, wa faqallahu al-jami'a لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا.